invité. Alors, j'ai préparé une petite bibliographie, pardon, qui vient compléter celle qu'avait donnée Régis Bertrand lors de la première séance du séminaire, dans le sens où elle est plus particulièrement ciblée sur le sujet que je traite aujourd'hui. Donc Marseille est à l'époque moderne et plus particulièrement dans la seconde moitié du XVIIe siècle, le théâtre de grandes transformations sur le plan urbanistique et architectural. Les plus connues sont celles qui vont affecter la partie orientale de la ville lorsque elle sera agrandie suite à la décision de Louis XIV. On connaît moins celles qui se sont produites antérieurement à 1666, donc dans la première partie du XVIIe, dans la vieille ville. Moins brutales et plus modestes, elles témoignent toutefois de modifications de l'organisation de l'habitat. Je ne suis peut-être pas bien face au... de l'habitat privé et de l'aménagement de la ville. Cette communication se propose donc de démontrer le rôle des habitants dans le processus de transformation face aux contraintes qui leur étaient imposées, aussi bien topographiques, manque d'espace disponible d'une part, et face à la réglementation des autorités royales et municipales d'autre part. Cette étude s'appuie sur des sources écrites et archéologiques attachées à deux secteurs clés de la ville, le centre ancien, plus particulièrement le corps de ville autour de l'hôtel de ville, et le faubourg des Roubaux, plus connu sous le nom de quartier Belzunce, dans lesquels des études d'archives associées aux fouilles archéologiques ont permis d'exhumer des textes et des vestiges du sous-sol, des éléments intéressant l'histoire de l'évolution de la ville et de l'architecture à Marseille à l'époque moderne. Dans un premier temps, donc, je présenterai une image de la ville au début du XVIIe siècle, précédant les premières mutations constatées. J'aborderai ensuite les transformations en question, en commençant donc par le centre ancien qui chronologiquement, par lequel chronologiquement elle débute, puis pour arriver à celles qui ont touché le secteur oriental. Et j'analyserai ensuite les conséquences qu'elles ont eues sur l'architecture, sur la construction plus précisément et plus généralement sur la société. Jusqu'en 1666, date à laquelle Louis XIV décide l'agrandissement de la ville, Marseille restait accrochée à ses trois buts et enfermée dans ses remparts médiévaux. Les plans du début du XVIIe siècle, pris sous différents angles, permettent de se figurer la ville et montrent comment les contemporains se la représentaient. Alors, parmi les plans les plus anciens, une vue... Ah. Voilà. C'est pas celle-là que oui. Une vue cavalière... met l'accent sur son côté fortifié, enserré dans ses remparts essentiellement. J'ai mal centré ma photo et je voulais aussi montrer les arsenaux qui sont, j'arrive pas à trouver ma... Elle est là. Voilà, les arsenaux qui sont normalement bien visibles sur le plan et mis en valeur. Voilà. Le plan, alors ce plan-là date, est fait par un anonyme en 1574. Le plan suivant montre également Marseille enserrée dans ses remparts. Et un peu plus avancé, en 1630, le plan Marais, de Jacques Marais. Qui montre une nouvelle fois la ville séparée du reste de son terroir, avec cette fois le terroir mis bien montré, d'une part séparé donc par cet espace qu'on appelle le Grand Caire, le grand côté et le grand chemin, pardon, et qui délimite toute cette partie qui est semi-rurale et détenue par des nobles qui sont des grandes, qui ont des grandes propriétés. À la même époque, on peut constater que des villes, d'autres villes méditerranéennes, comme Gênes ou Barcelone, sont figurées de la même façon, c'est-à-dire pareil, insérées dans leur rempart, avec avec un terroir qui semble très vaste. Et avec la mise dans celle de Barcelone, on se rend compte on a mis en valeur le fait que c'était bien des territoires agricoles en mettant ici une arère tirée par des bœufs. Donc à Marseille, ces terrains qui sont à l'extérieur des remparts, plantés d'oliviers, de mûriers et de figuiers, entourent des petits bâtiments semi-agricoles acquis, je le disais, par l'élite sociale qui vient jouir là d'un environnement campagnard tout en restant à proximité de la ville où ils ont besoin d'être pour leurs affaires. Alors, je voulais également. Alors voilà, ça c'est un plan que je voulais vous montrer, qui est une reconstitution faite par Thierry Durousseau, qui est architecte et qui plan qui a été publié par le service archéologique de la ville. Et qui reconstitue à partir de plusieurs plans, donc le plan de Marseille autour des années 1650. Avec sa superficie intramuros d'environ 70 hectares, Marseille figure parmi les quelques grandes villes de l'époque. Sa démographie a presque triplé entre 1520 et 1610, passant d'environ 14 000 à environ 40 000 habitants. Elle aurait 75 000 habitants en 1696, terroir compris, auquel s'ajoute la population de l'Arsenal, soit environ 18 à 20 000 personnes à la fin du XVIIe siècle. Bien que l'Arsenal soit transféré à Toulon en 1765, sa population reste autour de 86 000 habitants. En 1790, elle serait composée de 120 000 habitants, se situant alors à la troisième place des villes françaises, derrière Paris qui en a 650 000 et Lyon 146 000. La croissance démographique a bien sûr des conséquences sur le développement de la ville. Celui-ci se manifeste essentiellement lors des grands travaux de l'agrandissement de la fin du XVIIe siècle qui triple sa superficie. Nous y revenons plus loin. Marseille n'est pas pour autant pourvue, durant l'époque moderne, des fonctions administratives liées à une ville d'une telle importance. Le Parlement et le siège de l'intendance sont à Aix, conférant à cette ville un centralisme unique en France. Aussi, l'intendant, afin de pouvoir assurer sa mission, est-il obligé de venir faire de longs séjours à Marseille. Le fait de ne pas être le siège d'une cour souveraine empêche Marseille d'avoir une quelconque autorité sur le reste de la Provence. Elle ne fait pas partie du comté de Provence, elle n'en est qu'une terre adjacente et ne participe pas aux États de Provence. Elle y délègue un représentant qui n'est qu'un auditeur, ce qui lui confère de fait une certaine autonomie que le pouvoir royal va essayer d'endiguer. En contrepartie de ce centralisme administratif aixois, le négoce assure à Marseille sa primauté grâce à l'activité florissante de son port, par où tous les échanges nationaux et internationaux se font. Les transports et des divers produits et matériaux étant effectivement plus aisés par voie d'eau que par l'intérieur du terroir, dont les hauteurs et les fâcheuses roches ont fait dire à Adolphe Crémieux que Marseille était une province distincte. La noblesse est peu nombreuse à Marseille, récente, elle est issue du commerce mis à part les officiers des galères. Elle n'en constitue pas moins une oligarchie qui dirige la ville jusqu'en 1660, année où Louis XIV remplace l'échevinage par le consulat au profit des négociants. La noblesse reviendra au pouvoir municipal en 1767 lors de la réforme de l'administration de la ville. Un conseil municipal aura à sa tête un maire choisi dans la noblesse. La division administrative en 6-6-5 qui a prévalu jusqu'au XVIe siècle se transforme à ce moment-là en une division politico-militaire en quatre quartiers, le corps de ville, Saint-Jean, Cavaillon et Blanquerie, correspondant aux paroisses principales de la ville. La forte densité du bâti sur le versant des buttes qui regardent le port contraste avec leur revers, encore en partie agricole. La concentration des édifices du pouvoir civil et religieux dans un espace extrêmement réduit rend le quartier du corps de ville où ils sont situés particulièrement attrayant. Alors on voit ici une planche du cadastre napoléonien, une partie en tout cas, pour montrer donc cette concentration. Donc là vous avez l'hôtel de ville, le palais de justice, la maison du roi qu'on ne voit pas, mais qui était située par là, pardon. Hop. Et ensuite, les marchés que sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, le marché de la boucherie, la poissonnerie, et sur une planche que je n'ai pas prise, j'aurais dû vous montrer les accoules et l'hôtel Dieu qui sont par là. Deux voies principales donc conduisent à ce quartier, à cette centralité, la Grand Rue qui est ici et la rue de la Loge. Deux rues qui se prolongent ensuite dans le quartier de Saint-Jean, voilà, qui arrive jusque à la commanderie de Saint-Jean qui donne son nom au quartier. Les rues, les rues de ce centre ancien, dont les fouilles archéologiques ont montré pour la plupart leur origine médiévale, sont pentues et étroites, organisées non pas en fonction d'un urbanisme raisonné, mais selon la nécessité, pour la nécessité de résoudre des besoins immédiats. Elles se distinguent par des décrochements, des lignes courbes ou brisées, des étranglements. Orienté nord-sud, alors on le voit mieux sur le plan, alors je vous ai fait qu'un zoom du plan Raso, qui est un plan dressé au XVIIIe siècle, pour mieux montrer donc l'orientation des rues. Orienté nord-sud, elle délimite des îlots en lanières, entrecoupés de traverses perpendiculaires au relief et orienté est-ouest, qui permettent les passages entre les îlots. Leurs pentes sont inégales et munies de gradins de pierre superposés, destinés à réfréner les eaux de pluie ou d'une chaussée en cailloux avec caniveau central d'écoulement. Malgré leurs faibles pentes, les rues sont le passage des diverses eaux usées et immondices venant se déverser dans le port. La rive du port, très étroite, comme on le constate avant les travaux de la fin du XVIIIe, ébordés d'une rangée de maisons entrecoupées de passages voûtés, appelés des crottes, l'équivalent des andrones que l'on rencontre à Montpellier ou dans les villes du sud-ouest. Ces passages correspondent à l'aboutissement de rues venant de l'intérieur du quartier et permettant l'accès à la rive du port. En grande partie détruites en 1943 lors de la dernière guerre, les maisons qui composent ces quartiers anciens, donc du corps de ville et de Saint-Jean, étaient mal connues jusqu'à une époque récente. N'étaient restées en place que l'hôtel de ville et quelques bâtiments municipaux qui l'entouraient, l'hôtel de Cabre, la maison Diamantée, qui est le musée du Vieux-Marseille, et le palais de justice. Ces maisons, propriétés de riches marchands, connues car étudiées pour leur riche décor, ne sont pourtant pas représentatives de l'ensemble de l'habitat privé, mais elles constituent toutefois un témoignage de l'habitat de l'époque moderne à Marseille. De l'autre côté des trois buttes, des moulins de Saint-Jean et des Carmes, zone tournée vers le terroir, l'habitat est moins dense et très modeste. Les couvents, hôpitaux et établissements industriels trouveront des espaces où s'installer à s'installer ou s'installer au XVIIe siècle encore. De l'absence d'un plan raisonné pour transformer la vieille ville, s'ensuit donc, je le disais en introduction, une moins grande visibilité des modifications accomplies dans le centre ancien au début du XVIIe siècle. Ces transformations n'ont pas la même ampleur, sont donc moins connues. Toutefois, certaines sont projetées par les autorités municipales au début du XVIIe siècle, et bien que ponctuelles et circonscrites, elles témoignent d'une volonté certaine d'embellir la ville. Dans un secteur où l'initiative des constructions est en général laissée à l'initiative privée, oui, où l'intervention des autorités municipales en matière d'aménagement urbain semble souvent se résumer à régler des conflits ou des plaintes entre riverains, certains projets entrepris constituent les prémices d'une urbanisation volontariste. Alors que la municipalité a en effet du mal à faire respecter un certain nombre de règles, notamment en ce qui concerne la propreté des rues ou la mise en application de décisions d'alignement, elle décide au début du XVIIe siècle la création ou l'agrandissement de places publiques, affichant ainsi son désir de poser des cadres urbains. Alors donc, je disais tout à l'heure, il y a la place Neuve qui est là, et la place du Vivo, la place de la Poissonnerie, qui sont des projets d'agrandissement qui se concrétisent dans les années 1624-1628. Cette première tentative d'aménager l'espace est un premier pas vers une construction de la ville, car comme l'explique Jacques Hirst pour l'Italie médiévale, les places sont à la fois des lieux de convivialité ou de rassemblements festifs et d'échanges pour les marchés, mais elles sont aussi des points spécifiques permettant aux autorités communales de contrôler le bon déroulement des manifestations religieuses ou civiles et de veiller au respect de la réglementation en matière de prix pratiqués ou simplement à propos de la forme des boutiques et de leur empiétement souvent sur la rue, sur la voie publique. Elles sont également porteuses d'autres effets, en élargissant par exemple la place Vivo au moment même où l'on agrandit l'hôtel de ville par l'achat de la destruction de maisons entourant celui-ci, on en facilite l'accès en améliorant le réseau viaire alentour. Une étude sur les places publiques en France entre le XVIe et le XVIIIe siècle montre de plus que la place publique offre la possibilité de mettre en valeur les bâtiments qui l'entourent ou le bâtiment qui se trouve en son centre lorsqu'il y en a un. Le marché du Mazo, spécialisé donc qui se trouve... J'ai montré la poissonnerie là, en fait je me suis trompée, la poissonnerie se trouve là et c'est ici que se trouve le marché du Mazo, qui est donc spécialisé pour la boucherie, la rôtisserie et la boulangerie, prend progressivement forme également dans le début du XVIIe siècle, car si un petit mazel est présent dans les textes dès le XVe siècle, il se différencie déjà du Macelli des Acuis proche de l'époque médiévale qui se trouvait proche de l'église des Acoules où des étals de boucher donnent le nom à une rue qui est aux alentours de l'Hôtel Dieu. Et donc il prend ce marché se fixe. Prend forme autour, donc proche du palais de justice, qu'on voit là. Les mutations en matière d'habitat dans ce secteur sont lentes à apparaître. L'observation de la progressive mutation tant en extérieur qu'extérieur des maisons a pu être faite grâce à des actes intitulés « Les rapports de futurs qu'hôtels » contenus dans les registres de notaires. Les experts chargés d'établir ces rapports dans les semaines ou les mois suivant la vente de maisons décrivent de façon détaillée l'organisation de celles-ci, du rez-de-chaussée jusqu'au toit, sans oublier les façades dont ils indiquent les matériaux de construction employés et les décors apposés. Outre l'échantillon diversifié de Bâtisse et la possibilité de comparaison qu'il propose, ces textes montrent l'ingéniosité déployée par les constructeurs et les Marseillais eux-mêmes pour organiser des habitations adaptées le mieux possible à leurs besoins, malgré les contraintes topographiques, je le disais, l'exiguïté des parcelles et l'absence de terrain disponible dès le début du XVIIe siècle pour de nouvelles constructions. C'est ainsi que, contrairement à l'image un peu trop réductrice d'un habitat privé uniforme, composé d'un seul type de bâtiment, élevé de 4 ou 5 étages, chacun doté de deux pièces uniques, avec une seule ou deux fenêtres, est apparue pour le début du XVIIe siècle une relative variété de maisons. Je commencerai par les édifices de prestige appartenant à des nobles ou de riches négociants, dont les plus connus, je les ai cités tout à l'heure, ont réchappé donc des destructions de 1943, la maison diamantée, l'hôtel de Cabre, le palais de justice, la maison moins connue mais dite du chevalier marin et l'hôtel Franciscou. Dont on a une vue ici, qui était sur la place Vivo. Les recherches en archives et les fouilles archéologiques menées en parallèle dans les différents points autour de l'hôtel de ville ont mis au jour d'autres exemples de ces demeures de prestige appartenant à des nobles ou à de riches négociants. Ainsi, la demeure de Charles de Cazaux, premier consul à la fin du XVIe siècle, il s'était fait construire dans l'îlot à l'est. Alors, comment je fais pour revenir sur la diapo précédente là, il s'était fait construire donc dans l'îlot à l'est de l'hôtel de ville, donc par là, une demeure dont la superficie était environ de 200 mètres carrés et dont les textes nous ont montré les riches ornements de la façade, ce qui laisse présager la magnificence. La maison d'Antoine de Remezan, à l'angle de la rue de la Prison et des Olives, c'est-à-dire approximativement là, avait aussi des dimensions imposantes, moindres quand même, 100 mètres carrés, mais ces ornements, lui appartenant, ont été récupérés dans les fondations lors des fouilles, et elles faisaient également partie. Voilà les ornements qui ont été retrouvés, enfin une partie, qui ont été retrouvés dans les fondations. Alors parallèlement, à côté de ces maisons de prestige, des maisons aux allures semi-rurales de type médiéval que l'on retrouve dans d'autres villes européennes de la même époque, les côtoient. Elles sont petites et étroites, et lorsqu'elles sont placées sur une parcelle longiligne, elles disposent de deux entrées, telle celle qu'acquiert Jean-Pierre Savignon à la rue de la Tolisse. L'entrée se fait par la boutique ou salle basse, utilisée comme lieu d'exercice de l'activité artisanale et lieu de vie familiale en même temps. À l'arrière de la boutique, on trouve une cour intérieure, derrière laquelle un second corps de bâtiment d'un seul niveau contenant une cuisine. La seconde entrée se trouve à l'arrière de celui-ci, où on voit un jardin comportant une écurie. Les deux ou trois étages ne sont alors formés que d'une ou deux pièces chacun, desservies par un escalier en vis. Près de l'hôtel Dieu, au début tout à fait du XVIIe siècle, on rencontre un type encore plus simple d'habitat, des maisons avec patis composées d'une boutique et de deux chambrettes au rez-de-chaussée, ainsi que d'une étable dans l'arrière-cour. On rencontre également ce type de bâtisse de l'autre côté des remparts, dans l'est, en bordure des Lys, dans le faubourg des Roubaux, sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. le secteur du marché du Mazeau, donc toujours au corps de ville, mais que nous évoquions tout à l'heure, réunit des bâtisses encore plus diversifiées parce que c'est ce marché donc, qui est spécialisé pour la boucherie, la pâtisserie et la rôtisserie. A besoin de structures particulières, c'est-à-dire d'étals qui jouxtent des maisons quelquefois beaucoup plus imposantes et plus élevées. Les premières modifications des habitations se perçoivent à travers les ventes réalisées de deux maisons contiguës ou se faisant face, fréquentes dans la première partie du XVIIe siècle. Ces demeures peu élevées, on l'a dit, ont été préalablement réunies afin d'être associées et d'accroître l'espace destiné à la vie domestique et artisanale sans pour autant en modifier l'architecture fondamentalement. Témoin, ces trois maisons vendues le même jour par Marc-Antoine de Ventot en deux lots, ayant fait partie antérieurement d'un même ensemble. Les pièces des premiers et second niveaux sont accessibles aussi bien par le logis auquel elles appartiennent initialement que par celui qui lui est contigu, duquel on les a séparées par un couloir. La nécessité d'augmenter le nombre de logements et l'absence de terrain disponible à de nouvelles constructions ont pour effet de provoquer une seconde étape dans l'évolution, le rehaussement des bâtiments, d'une part, et l'empiétement de ceux-ci en cœur d'îlot. Alors, je vous ai apporté l'évolution, un dessin qu'a fait un de mes collègues de l'INRAP, donc, qui montre bien l'évolution d'une parcelle du Moyen-Âge jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, qui perdure bien sûr jusqu'à la destruction. Dès le début du XVIIe siècle, ce processus est entamé et si les contrats de construction indiquent rarement le nombre exact d'étages à ajouter à une bâtisse existante, les quatre niveaux sont nettement requis lorsqu'il s'agit d'une construction nouvelle après une démolition. La terminologie est également le témoin de ces changements. Lorsque, pour s'agrandir, la solution consiste à s'étendre dans la cour intérieure, celle-ci prend progressivement le nom de ce qu'on va dénommer un ciel ouvert, c'est-à-dire un petit espace d'environ 6 mètres carrés où est situé le puits, indispensable à toutes les maisons. Cet espace se trouve alors, comme dans ce cas, inséré entre les différentes pièces de la maison ou elle peut être entre deux maisons qui se font face ou qui sont côte à côte. Lorsqu'en 1660, Louis XIV vient à Marseille, il a le souci de restaurer son autorité que les luttes de factions ont entamée. Par lettre patente, il supprime le consulat afin d'éloigner la noblesse locale du pouvoir communal et décide d'agrandir la ville en détruisant les anciens remparts vieux de trois siècles. Il s'agit de faire de Marseille une ville à l'égal des autres villes du royaume déjà conquises par l'urbanisme et l'architecture baroque. Le projet s'inscrit dans la droite ligne des opérations urbanistiques dans lesquelles sont inscrites l'ensemble des pays européens. La nouvelle enceinte va tripler la superficie de la ville. Alors je vous ai apporté aussi un autre plan reconstitué par Thierry Durousseau pour vous montrer l'évolution. Partant du pied de la butte des Carmes, elle entoure le Lacidon en rejoignant la citadelle Saint-Nicolas sur la rive Neuve. Elle englobe dans la ville l'ancien arsenal et le faubourg, hormis la bourgade Saint-Lazare au nord de la porte d'Aix. La création du cours, futur cours Belzunce, donc qu'on voit bien là, qui était donc en bordure des remparts. La création du cours est commun à d'autres villes européennes, Aix bien sûr et Gênes, et c'est un symbole essentiel par quoi se caractérise la ville baroque. À Marseille, il a pour fonction de créer une articulation entre les anciens et les nouveaux quartiers de la ville et en même temps qu'il en marque la séparation. Louis XIV souhaite en effet que ce secteur oriental devienne le quartier d'une classe aisée et contraste avec la vieille ville trop peuplée d'artisans à son goût. Dans les années qui suivent 1666, Marseille va être le théâtre d'une véritable flambée spéculative qui va voir d'immenses propriétés détenues par des nobles vendues à des personnes qui sont en situation de les lotir, de les revendre à meilleur prix, de les construire. Ce sont des notables, des échevins, mais des maçons aussi suffisamment fortunés comme Antoine Graille qui achète une partie d'un îlot proche de la porte d'Aix où se trouve la raffinerie de soufre et de salpêtre pour y construire des logements et les revendre. Marseille est ainsi, à l'instar des villes de Flandre, d'Angleterre et d'Espagne, le théâtre d'investissement massif dans le secteur de la construction qui va renouveler le paysage en profondeur. C'est donc dans le secteur oriental de la ville, dénommé le Faubourg des Roubaix, qu'il est décidé de faire commencer les travaux qui se traduisent par une immense opération d'urbanisme. Donc, c'est par là que ça va commencer. Dans cette aire en bordure des Lys et proche des deux principales portes de la ville, s'y est installée au fil du temps une population composée essentiellement d'artisans, de commerçants, d'aubergistes qui ont trouvé là l'espace et les conditions nécessaires au développement de leurs activités. Les bâtiments qu'ils occupent sont de type rural, composés d'un maximum de 2 étages, ayant leur rez-de-chaussée occupé d'une boutique avec au-dessus un grenier à foin et à côté une ou deux pièces d'habitation, nous les avons évoquées tout à l'heure. Il côtoie des édifices conventuels récemment installés comme les Pères Récollets ou ceux de la Congrégation du Saint-Sacrement, qui précisément, la Congrégation du Saint-Sacrement, elle se trouve précisément là, et les Pères Récollets par là, je crois. Un certain nombre de mesures sont élaborées afin d'encadrer les travaux de l'agrandissement. L'étude en cours menée par Julien Buget sur les travaux de l'agrandissement de Marseille et d'Aix, du point de vue de la réglementation, apportera certainement de nombreux éléments et permettra d'avoir un regard neuf sur la manière dont ont été conduits ces travaux. Je ne m'y attarderai donc pas, je me contenterai de souligner que pour la première fois, Marseille se dote d'une véritable organisation et de règles précises afin de mener à bien l'entreprise de l'agrandissement. Instauration d'un bureau dit de l'agrandissement, nomination d'experts, évaluation de terrains et bâtiments compris dans l'agrandissement, calcul de la plus-value, acquisition massive de terrains, création ou prolongement de voies existantes et bien sûr destruction et reconstruction des remparts. La nouvelle réalisation, je l'ai dit, triple pratiquement le périmètre urbain qui passe de 67 à environ 200 hectares. Elle englobe ainsi l'arsenal et les faubourgs. Bien que le plan d'urbanisme n'ait pas été achevé totalement parce que trop coûteux, il suit les principes d'esthétique urbaine baroque et prévoit de grands tracés rectilignes des rues et des rues de largeur constante. Mais ayant à tenir compte des contraintes de la pente et de la présence dans la partie orientale d'un réseau de chemins existants, il est un compromis entre un plan orthogonal possible dans le quartier de Rive-Neuve et la recherche de tracés en pâte d'oie réalisée dans le faubourg des Roubaux. Le grand cours sera une promenade plantée d'arbres et ornée de fontaines à l'image de celui d'Aix. Il s'en différencie toutefois par sa longueur de plus d'un kilomètre allant de la porte d'Aix à la rue de Rome. Des règles de construction sont donc établies qui visent en particulier à harmoniser les façades des demeures du cours. Celui-ci est bordé par des îlots dont le nombre d'étages est uniformisé, le nombre de fenêtres par niveau fixé et les ornements à y apposer fixés également. L'utilisation préférentielle de matériaux comme la pierre de taille sur les façades est préconisée dans le but d'une meilleure solidité, mais aussi, comme effet décoratif. Les mesures réglementaires portent donc essentiellement sur les façades. Or, la lecture des contrats de construction révèle un souci d'améliorer également l'intérieur de la bâtisse lors de la refonte de la maison. Ces travaux sont en effet l'occasion, alors les travaux, je l'ai mal expliqué, lors de la formation du cours, donc Ancien Chemin, on demande bien sûr à ce que les maisons du cours soient alignées, donc cela oblige donc les gens à refaire leur maison. Et ces travaux sont donc l'occasion d'apporter aux habitations plus de confort et de solidité. Aménagement des conduites et d'évacuation des eaux, celle des cheminées, des montées d'escaliers. Ce type d'ouvrage, qui n'était pas envisagé dans la période précédente pour la vieille ville, ne sont pas encore contenus dans les textes réglementaires. Ils le seront des décennies plus tard, dans les années 1730, lorsqu'une ordonnance établira des règles très précises pour les bâtiments, en matière de construction pour les bâtiments privés et publics. Le centre ancien est le grand oublié des travaux d'embellissement de la ville. La décision de dresser un plan d'urbanisme prévoyant l'alignement des rues et les réfections des maisons qui les bordent ne sera prise qu'au début du XVIIIe siècle et encore ne sera-t-elle pas suivie de beaucoup d'effets. Malgré les travaux d'expertise pour mesurer les voies et notifier les élargissements souhaitables, la résistance des habitants semble grande et même lorsque les rues sont élargies, elles ne le sont que partiellement. Alors je vais vite, mais il y avait effectivement une anecdote à vous raconter sur la rue de la prison pour illustrant la résistance des habitants. Un certain Honoré de Rome d'Ardenne qui occupe une partie de l'ancienne maison du roi décide au XVIIIe siècle de refaire sa maison et parce qu'il l'a refait, demande aussi qu'on élargisse la rue à son niveau de façon à pouvoir mettre sa maison en valeur et demande que les riverains participent aux frais pour, parce que bien sûr ils bénéficieront de ces embellissements. Voilà, c'est juste une anecdote et qui prouve qu'au XVIIIe siècle, donc l'élargissement de la rue de la prison n'est toujours pas fait. Toutefois, donc, bien que les autorités tardent à prendre en considération l'intérêt d'inclure la vieille ville dans un programme d'embellissement, l'attrait des secteurs proches de l'hôtel de ville n'a pas cessé d'attirer ceux qui viennent pour la conduite de leurs affaires, du négociant au petit artisan, en passant par l'aubergiste. La nouvelle élite dirigeante est soucieuse de s'y implanter et de marquer ce secteur de son emprise. Influencés par ce qu'ils croisent en matière d'art et d'urbanisme au cours de leur voyage, ceux qui sont désignés dans les textes notariés par le terme de marchands bourgeois ont acquis les moyens d'engager des artisans locaux dont Jean-Jacques Gloton a souligné le savoir-faire. Il est le résultat d'une pratique locale tout autant que de la connaissance des théoriciens de l'architecture du temps. Les habitations qu'ils vont réaliser dans ce centre ancien pour leurs besoins propres Les habitations qu'ils vont réaliser dans la vieille ville pour les besoins propres de leurs habitants ou pour, comme immeubles de rapport sont donc porteuses de ces nouveaux savoirs, en particulier pour ce qui concerne la solidité du bâtiment, le confort et la recherche de l'intimité. Les entrepreneurs sont ainsi amenés à réaliser des logements en tout point semblables à ceux qui se font de part et d'autre du cours. Un des premiers signes de ces changements se manifeste dans les années 1660 par la volonté d'acquérir des bâtiments contigus afin de disposer d'une plus grande superficie, mais cette fois en démolissant et en reconstruisant. Totalement ou partiellement, puisque ça a été prouvé archéologiquement, donc les fondations sont quelquefois maintenues en l'état. À l'intérieur donc de la maison reconstruite, l'espace se cloisonne entre les parties où s'exerce l'activité artisanale et celle dédiée à la vie domestique. Le maître de maison n'est plus systématiquement celui qui exerce son activité dans la boutique, louée de ce fait à un artisan qui habite ailleurs. Elle est donc séparée de l'entrée de la maison par un couloir, une cloison formant couloir, au fond duquel désormais est situé l'escalier d'accès aux étages, qui était antérieurement placé dans la boutique ou dans la salle basse, qui constituait le seul accès de la demeure. Alors là, j'ai oublié de vous montrer le cours. Voilà, donc reconstitution de parcelles avec... Donc on vous montre ce couloir d'accès avec au fond l'escalier, alors donc là c'est le rez-de-chaussée, hein, et les différentes pièces et les différentes boutiques et pièces à vivre qui s'installent autour. Le développement des activités commerciales entraînant la multiplication des boutiques, celle-ci nécessite un stockage important. Et ce qui suscite la construction de caves qui vont en sous-œuvre souvent, qui vont se généraliser à cette époque. Alors voilà, on voit là le sous-sol d'une maison occupé entièrement par des caves. C'est à cette époque que leur construction se généralise. Les fouilles ont en effet montré, et les textes le confirment, qu'aux alentours de l'hôtel de ville, chaque bâtiment possède au moins une cave. De même, les cuisines se multiplient et gravissent les étages. Sur chacun d'eux, elles sont séparées des autres pièces de la maison, éloignant ces dernières des odeurs malvenues. Chaque niveau accueillant une famille différente prend progressivement son indépendance, symbolisée par une seule porte palière, remplaçant les différentes portes affectées à chaque pièce. Le désir d'un meilleur confort se manifeste également par la multiplication des cheminées, présentes désormais à chaque étage et quelquefois même dans plusieurs pièces de celui-ci. Afin d'assurer plus de sécurité à la bâtisse, éviter les incendies, leurs ouvrages sont l'objet d'un soin particulier. La pierre de taille est préférée à la maçonnerie ordinaire pour les foyers et leurs bordures, et les canons sont haussés jusqu'à 1 mètre au-dessus du toit. Du déplacement des cuisines dans les étages s'ensuit la nécessité d'améliorer le système d'évacuation de l'eau. À partir de cette période également, on note un souci constant de réaliser un circuit d'évacuation des eaux plus efficace, visant à éviter l'infiltration dans les murs et les odeurs nauséabondes. Pour cela, on installe, à partir des éviers, des bourneaux conduits en terre cuite qui amènent l'eau dans une gorge, sorte de ruisseau en pierre de taille, enduit de bâtons hydrauliques. Les eaux usées et les eaux de pluie s'y rejoignent et sont alors conduites vers un collecteur central qui se trouve dans la rue. Ainsi, l'influence des travaux de l'agrandissement est concomitante d'autres changements. L'évolution de la société et des conditions économiques amène des modifications dans la construction des maisons, tant du point de vue de leur architecture que de leur organisation intérieure. Plusieurs paramètres se sont imbriqués, porteurs d'éléments ayant transformé la ville. Jusqu'au XVIIe siècle, l'absence d'un projet global pour le centre ancien laissait à l'initiative privée et individuelle la possibilité de construire des bâtiments selon son goût. L'absence de cadre laisse par définition une grande liberté qui n'est pourtant pas synonyme systématiquement d'abus. Les problèmes tiennent essentiellement à l'irrégularité des rues, pour lesquelles les prescriptions d'alignement, lorsqu'il y en a, n'ont pas été respectées ou seulement partiellement. Le mouvement officiel ayant amené la création des places publiques n'a pas été suivi de grands travaux d'amélioration de l'habitat. Par contre, en matière d'aménagement de maisons, les contemporains se sont appropriés l'espace existant, compte tenu des contraintes auxquelles ils ont eu à faire face, leur recherche de solutions adaptées à leurs besoins, associations et imbrications de maisons, haussements de bâtiments, empiètements en cœur d'îlot, est souvent astucieuse et leur ont permis de maximaliser l'espace disponible à moindre frais pour accueillir une population de plus en plus variée. Ces solutions atteignent probablement leurs limites vers le milieu du XVIIe siècle, que le changement politique et les travaux de l'agrandissement vont mettre en évidence et faire exploser. La vente du patrimoine immobilier de la noblesse située autour de l'hôtel de ville commence avant, dès les années 1650, avant même son éviction du gouvernement de la ville. Soupçonnant sa fin prochaine ou désireuse, quoi qu'il en soit, de fuir un centre trop exigu, au profit d'Aix ou de la campagne environnante, les nobles s'éloignent du centre ancien. La nouvelle élite, désireuse de s'y implanter à cause de la présence des lieux de pouvoir, cherche à apposer sa marque et fait réaliser des bâtiments qui ne sont pas destinés à son seul usage. Les travaux de l'agrandissement viennent donc nourrir un besoin d'avoir des pratiques différentes de la génération précédente. Ouverte aux nouvelles théories de mise en œuvre des constructions, elle est attentive à une meilleure solidité et un assainissement des bâtiments. Les dispositions entreprises correspondent aussi à de nouvelles manières de vivre et donc d'habiter. Séparation des boutiques où l'activité artisanale ou commerciale n'est plus en lien avec le reste de la maison. Les négociants ont leur comptoir dans un bâtiment différent de celui qu'ils habitent. De même, les petits artisans louent un local dans un bâtiment alors qu'ils habitent ailleurs. Même lorsque le propriétaire vit avec sa famille dans la maison qu'il fait construire, il n'en est pas le seul occupant. C'est le début de la séparation de l'immeuble accueillant différents foyers en appartements séparés. Ainsi, aussi, au sein d'une même maison, vont cohabiter des foyers d'origine sociale différente. Donc les travaux de l'agrandissement ont sur la population un effet déclencheur. Leurs conséquences est d'une part architecturalement, on a une adhésion des habitants puisque les transformations qui sont demandées à partir de l'agrandissement vont être incomplètement réalisé. On adopte les nouveaux principes, harmonisation des façades, nombre égal d'étages, hauteur maximum des bâtiments, utilisation de la pierre de taille. Parallèlement, les nouveaux arrivants dans la vieille ville vont s'emparer de ces modèles et des goûts nouveaux qu'ils vont adapter à leurs besoins et à la place en fonction de la place disponible. Les façades s'ornent de décors en pierre de taille ou en plâtre, chaînage d'angles, entablement des portes entourées de colonnes et constituent autant d'éléments ostentatoires indispensables. Enfin, ce foisonnement de nouvelles constructions que l'on réalise pendant des décennies va aboutir au début du XVIIIe siècle, à l'établissement d'un plan en 1725 visant à fixer les alignements dans toute la vieille ville. Ce plan ne sera apparemment que très partiellement appliqué. Il est suivi en 1730 par contre par une ordonnance de police, un texte réglementaire visant à fixer les normes de construction et de toisage des bâtiments, tant privés que publics, puis par une autre, fixant les prix des matériaux. Cette ordonnance n'apporte pas de méthode réellement nouvelle. Elle entérine plutôt des pratiques en application depuis des décennies. Certes, comme il est indiqué dans son préambule, elle vient fixer les règles afin d'éviter des abus. Mais au-delà de cette raison objective, elle vient marquer la volonté des autorités municipales d'encadrer le monde de la construction et d'unifier en cela l'ensemble de la ville. Elle est de ce fait, pour tous les maîtres d'œuvre et d'ouvrage, le signe de pratique désormais reconnue. Sur le plan social, on assiste à une résistance de la population, on l'a dit, face aux dispositions officielles. Louis XIV souhaitait donc, en nommant Nicolas Arnoult aux commandes des grands travaux, transformer le faubourg des Roubaux, premier secteur hors les murs de la ville à s'urbaniser, en un secteur résidentiel et exclure toute présence de boutiques. Les Marseillais y ont vu au contraire une opportunité de s'y installer dans des espaces plus vastes, proches des portes de la ville et du port. Le nouveau quartier offre l'avantage de résider dans la cité marseillaise sans en subir les désagréments. Déjà présentes dans le secteur, par ailleurs, les auberges capables d'accueillir les négociants et les voyageurs pour leurs affaires se développent, de même que les boutiques d'artisans. Elles côtoient les couvents attirés par de grands espaces disponibles. C'est en quoi, on l'a dit, le cours de Marseille se différencie de celui d'Aix, investi uniquement par les hôtels aristocratiques et la bonne société. L'évolution du quartier... On peut donc dire que l'évolution du quartier est un compromis entre les aspirations monarchiques et les nécessités marseillaises. Parallèlement, donc, on a vu que ces différentes mutations sont accompagnées d'un renouveau de la population et augmentent encore l'hétérogénéité au sein de chaque quartier, voire même au sein d'un même immeuble. Cet élément qui fait poser à Jean-François Chauvard la question de l'interconnexion entre la mixité sociale et la morphologie du bâti. L'hétérogénéité sociale dépend-elle de la morphologie du bâti, comme il l'affirme pour le quartier du Rialto à Venise, ou au contraire, est-ce celui-ci qui est déterminé par elle ? Doit-on poser cette dichotomie dans le cas de Marseille, où dès le XVIe siècle, l'hétérogénéité sociale semble un fait ? Ville de négoce, elle réussit, en particulier dans les quartiers proches du port, toutes les populations que l'activité amène dans un même lieu. Les transformations de l'espace se sont faites en fonction de leurs besoins, aboutissant à une imbrication des gens, comme de celle des maisons, de manière évidente. Je vous remercie.